بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، الحديث 34. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت لخيشومه. متفق عليه. وفي رواية: من منامه. Donc selon Abu Huraira, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Si l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, alors qu'il inspire et expire l'eau de son nez trois fois, car Shaitan dort dans son nez. Et le hadith, c'est le muttafaqun alayh. En arabe, c'est khayshoum. Khayshoum, c'est plus que c'est l'intérieur du nez en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. C'est l'intérieur du nez vers le haut par là. Voilà. C'est pas vraiment le nez en soi, tu vois, mais bon, ça appartient au nez quoi. J'ai pas trouvé d'autres tarjama. Là, il est parti nasal à l'intérieur du nez. Donc il dit: Al masa'ilu wal ahkamu al mustafalatu min al hadith. تمام. دونك il dit في الحديث دلالة على استحباب الاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل. Donc ce hadith est une preuve démontrant le côté recommandé d'expirer, d'inspirer ou d'inspirer, d'expirer l'eau trois fois lors du réveil. Du réveil, du sommeil de nuit. Sommeil de nuit. C'est quoi la preuve? Quand il dit: Fina shaitan yabitu ala khayshoumi. Wal mabit, c'est sommeil de nuit. Ayyeb? Santakul. Tabit, masalan, c'est tu dors de nuit. Bata yabitu. Al-fi'l bata yabitu. C'est le sommeil de nuit. Passer la nuit. Après ça, il dit: Wa qala Shawkani rahimahullah ta'ala, qu'il y a eu un ittifaq, que cela n'est pas obligatoire, l'istinthar, lors du réveil. Et que personne n'a affirmé son obligation. Et cela seulement a été légiféré du fait qu'il nettoie le nez, également qu'il est une cause d'un écran actif, il donne ça dans la forme, quelque sorte, et qu'il fait sortir Shaitan de ton nez. Après, ici, il expose c'est quoi le khayshoum à différents quels. Certains qui disent que c'est le bout du nez, certains qui disent que c'est le milieu du nez, d'autres qui disent que c'est la partie intérieure qui va du nez au cerveau. Et la colonne, ça vient toujours au nez en tout cas, aux parties nasales. Tant même. Et après, il dit qu'Al-Bukhari a également rapporté Billawz. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ ولا يستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت ولا خشومه. Donc ce hadith d'accord, qu'il va de pair avec le dos, qui va de pair avec le dos. Donc s'il y a de pair avec le dos, après il dit quoi? Qu'il y a un khilaf par rapport à son obligation. Attends, il y a une partie qui m'a échappé. Yani en fait, le fait qu'il part de l'istinthar, il part de l'istinthar qui est lié à l'odo. D'accord? Qui est lié à l'odo. C'est pas tu fais l'odo, tu viens, tu te réveilles, tu fais l'istinthar tout seul. Comme un corps. Si l'entre vous vient se lever de son sommeil, qu'il fasse le dos et qu'il fasse l'istinthar trois fois. Car Shaitan passe la nuit dans son khayshoum, dans son nez. Donc là, il dit, dans sa, par rapport à sa, à son obligation, il y a un khilaf. Et le shir, en fait, avait fait avait dit quoi, lui, qu'il voit que c'est obligatoire, même sans l'odo, ne serait-ce qu'une fois. D'accord? Le Shir Ibn Hizam, se basant sur ce hadith, lui, il voit que, comme Akala, j'ai mis en ta'liqat, j'avais écrit ce qu'il avait dit, As-sahih huwa wujubuhu walau bidun wudu marra. Tu le fais au moins une fois, même si tu ne fais pas l'odo. Donc là, l'avis du Shir, tamam, c'est qu'il voit que c'est une obligation de se faire qu'une fois, même, même sur l'odo. En disant que si le khilaf sur le sinthar, il est déjà venu dans le hadith de l'odo de Warthman. Il a pris le khilaf par rapport au sinthar, le sinthar, tout ça. Donc ça c'est son avis final. Ne serait-ce qu'une fois même sur le dos. À partir du moment où tu te réveilles de ton sommeil de nuit, tu dois au moins faire le sincère au moins une fois. C'est même au moins une fois. Après il dit Al hadithu al khamis wa thalathun wa anhu ay Abi Huraira idha istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين بتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Donc toujours selon Abu Huraira, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si l'un d'entre vous se lève de son sommeil alors qu'il ne plonge pas sa main dans le récipient tant qu'il ne l'a pas lavé au préalable trois fois, car il ne sait pas où est-ce que sa main a passé la nuit. Et le hadith est متفق عليه. Et ça c'est la version de Muslim. Donc il dit Mas'ala hukm ghasl al-yadayn 'inda al-istiqaz min an-nawm. Le jugement du lavage des mains lors du réveil. Il dit que la plupart des savants, jumhur ahli al-'ilm, ils voient l'istihbab, que cela est recommandé. Et que l'interdiction justement de rentrer la main dans le récipient avant de les avoir lavés, cela est une chose, une interdiction, yani tenzih, que c'est le karaha, un truc qui est makruh, qui est détestable. Et qui voit que la chose, justement, qui sort le côté interdit absolu vers un côté makruh, côté détestable, c'est quoi? C'est tout d'abord le nombre de fois où tu lèves ta main, trois fois. Tamam. Et également que cela est bâti sur un doute, car tu ne sais pas où ta main a passé la main. D'accord? Sur un doute. Donc ils ont dit quoi? Le fait que ce soit un doute et qu'il y ait un nombre défini, eux ils voient que c'est pas une interdiction dans l'absolu. Car ça aurait été une chose interdite, ça aurait pas été sur un doute. Wa alaykoum salam. Ça aurait pas été basé sur un doute. Hein, ça n'a pas été basé sur un doute. Et que la base dans les choses, c'est la tahara, la pureté. Et d'autres ulama, parmi eux Ishaq et El-Zahir, sont partis pour voir que cela est obligatoire, en prenant le hadith dans son apparence. Et c'est également la parole choisie par Ibn Hazm et San'ani et Shaykh al-Faymin et autres. Et Shaykh dit que c'est ça la parole qui est authentique. Allahu a'lam. Car le fait de citer un nombre de fois tu dois laver tes mains, cela ne nuit en rien au côté obligatoire. Par exemple, un exemple qu'on avait pris, quand le chien, voyez, il boit dans le récipient. Combien de fois faut le laver, on avait dit? Ça veut dire que c'est pas obligatoire, parce qu'on a dit 7 fois. Voilà. Donc ils disent le fait qu'il y ait un nombre ne veut pas dire que c'est pas obligatoire. Mais comment tu lâches un par rapport au nez? Ah? Comment tu fais le lien? C'est quoi ce qui fait la différence avec le nez? Avec le nez? C'est-à-dire? C'est venu le fait de laver 3 fois. Allez voir. Ça c'est revenu au khilaf comme dans l'odo. On a dit le khilaf par rapport à l'odo de faire 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Ouais. C'est le même jeu de tafsil. C'est le même torsil. Mais t'as raison, c'est un truc que j'ai oublié de noter parce que c'est quelqu'un qui l'a dit, bidoun wudu. En effet, t'as sauvé un point là. Qui reste mushkil. Pareil, je revois. En tout cas, c'est le talé que j'ai fait de son kalem. C'est vrai qu'il avait dit sans l'odo. Ça rentre pas dans l'odo. Alors là, je peux pas te répondre à Allah Alam par rapport à ça. J'ai vu que c'était des douze qu'on a pris il y a des années. Je ne me rappelle pas tout ce qu'il avait dit. Akhaya, Inch'Allah. Nous fawwidu amrana ila Allah. On va notre affaire à Allah. Même si je ne pourrais pas te répondre à l'ASF. Donc pour revenir à lavage des mains. Donc on disait que la parole authentique, c'est l'obligation. C'est basant sur la parole du hadith. Naam. Et que le fait justement de se baser sur le doute également n'est pas une cause qui sorte le hadith de ce côté obligatoire. Après, il dit Masala, Hel Yashmel, Hazel Hukm, Noom El Nahar. Est-ce que ce jugement concerne également le sommeil de jour? La plupart des savants voient que cela englobe tout sommeil, de jour comme de nuit, en prenant comme preuve Min Naomihi, de son sommeil. Donc cela englobe tout temps. Et d'autres comme Ahmed et Daoud sont partis pour dire que c'est que la nuit, en prenant quelle partie du hadith? Ba'atat yado, comme on a dit. Ba'atat yabitu, c'est quand? C'est le sommeil de nuit. Donc cela a lieu la nuit. Et dans une riwaya, chez Abu Daoud, que Muslim a porté avec son isnad, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل, si l'un d'entre vous se lève de la nuit. Donc cette version-là vient appuyer qu'il s'agit du sommeil de nuit. Et dans une autre version encore, il dit « Idha qama ahadukum ila wudhu'i hina yusbih » Si l'un d'entre vous se réveille par l'odo, au moment où il se lève le matin. Yusbih, c'est le matin. Asbah yusbihu, c'est le matin. Donc c'est la parole la plus prépondérante qui est qu'il s'agit du sommeil de nuit. C'est-à-dire que c'est pas quand tu fais la sieste que tu as besoin de laver tes mains. Mais tout ça, de toute façon, c'est des choses, comme on dit, comment ça va venir, ta'aboudiya, c'est lié à l'adoration. Parce qu'on pourrait dire justement, si c'est lié au sommeil, que ce soit de jour ou de nuit, tu sais pas où ta main elle a dormi. Ta main n'est pas plus préservée de la nuit que la journée, tu vois. Donc c'est des choses, des fois, on n'a pas forcément l'explication. Allah a'alam. Donc il dit, mas'ala, Al-illatu fil amr bil ghasl. Quelle est la cause qui a amené à ordonner, justement, le lavage des deux mains? Il a été dit que cela est une chose ta'aboudiya, comme on l'a dit, une chose basée sur l'adoration. D'autres ont dit que la cause, c'est peut-être du fait que il est probable que la main est en contact avec une najasa. Et le chien évoque quand même, malgré tout, la première parole est la plus authentique. C'est une chose ta'aboudiya. Avec, également, il est possible que l'autre raison soit réelle. Et à niveau, le principal, c'est ta'aboudi, sans pour autant renier l'autre raison. Que ta main peut, justement, emmener à porter de najasa. Après, il dit, mas'ala, hukm al-ma, izé, ramasa fi yada. Le jugement de l'eau dans laquelle la main était plongée. Donc on dit, cette eau-là, c'est quoi son jugement? On revient au tout débat, au tout début. On avait dit quoi, l'eau? Ah, ouais. Donc demain, tu mets avec ta main comme ça, tu la mets dans un récipient d'eau. Quelle najasa apparente pourrais-tu avoir au point de contaminer l'eau? Tu le verrais sur ta main. Tu le verrais. Parce que même on dit que tu as un peu de najasa. Après, il faut que ce peu amène à changer l'eau dans ses caractéristiques. Donc l'eau en soi reste pure. L'eau en soi reste pure. Maintenant, tu aurais vraiment une grosse najasa, on ne sait pas comment ça arrivé là, par exemple, il s'est passé quelque chose, d'accord? Tu la verras dans ta main. Tu le sauras. Ou tu verras immédiatement si l'eau a changé. Et si elle a changé, khalas, l'eau est plus bonne. Donc l'eau, c'est quoi son jugement? Le jugement qu'on a dit au début. Goût, couleur, odeur. Pas une najasa. Si elle n'a pas changé, l'eau reste pure. Après, il dit, est-ce que le fait de laver la main a besoin d'une niya, d'une intention? Pas même. Il dit qu'il y a deux kalem par rapport à ça. Le premier, que il est obligé d'avoir une intention, car cela est une purification, et qui est compté du nombre de l'adoration. Donc elle ressemble à l'odo et au roussel. Il faut une intention. Et deuxième parole, il n'en a pas besoin. Car ce n'est pas une chose d'adoration pure seulement. Pourquoi? Car il dit dans le hadith, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَتَتْ يَدُو. Car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Donc il y a une cause. C'est une chose qui est ta'aboudia, des fois tu ne sais pas pourquoi. Mais là tu as une cause qui est citée. Donc quand ce n'est pas une chose qui est liée à l'adoration purement à 100%, d'accord? Et bien lui il voit que le chir lui voit que la niya n'est pas obligatoire. La niya est obligatoire pour une chose qui est une pure adoration. Mais là, il y a un côté adoration bien entendu, et d'autres raisons également. Qui peut être côté hygiénique, ce genre de choses. C'est comme enlever la najasa. Enlever la najasa, c'est une adoration qu'on fait. Donc si tu mets une niya, t'es récompensé. Ça? Mais si demain, t'enlèves une najasa volontairement malgré toi, elle est partie. Est-ce qu'on dit que ton vêtement est encore entaché de najasa? Non. Mais là, c'est pareil pour la main. Si tu mets une niya en le faisant, t'es récompensé. Si jamais tu mets pas de niya, tu laves tes mains sans mettre de niya par rapport à ça. Ou même t'as lavé ta main en l'oubliant, tu vois, t'as fait, voilà. Eh ben, hasal al maqsoud. La chose s'est produite. L'objectif, elle a été atteint. Contrairement à l'odo. L'odo, c'est obligé, faut que tu mettes une niya. Le rousse, obligé, tu mets une niya. La salat, obligé, tu mets une niya. Toutes ces choses-là. Car elles sont des adorations pures. Naam. Ma fumada? Taïeb. Fa, nakoul, alhamdulillahi, rabbil alamin.